à travers la serrure. À travers la serrure, je ressens le monde et le décret. À peine la nuit dernière, j'ai entendu un cri. Puis un silence qui a glacé mon sang. Pas évident, comme faire 2 ans alors que t'es innocent. Le temps défile, je poursuis mon accomplissement. J'ai mis longtemps à voir plus loin que mon arrondissement. Maintenant je vois l'horizon, j'ai tout mémorisé. Je me rappelle que leurs sentiments sont numérisés. J'ai fui la mort ici en pleine adolescence. La poussière dense et le feu rencontre l'essence. La fragilité est une faiblesse. Ouais, au lieu de trouver des solutions, tu trouves des prétextes. Moi je veux la vérité plus que la gloire et l'argent. Peu importe à quel moment je pars, je vais mourir en sachant. En sachant qui j'étais et quelle était ma cause. Ma belle, mon cœur est mort mais tu remets la dose. Et moi aussi j'aurais voulu faire des études, aller à l'université, avoir la remise des diplômes. Mais au lieu de ça j'ai dû éviter la stup, apprendre des codes de la cité, couper et peser des 10 grammes. Lumière tamisée, ma douleur tapissée sur les murs, même eux sont témoins que tu m'as pas brisé. J'ai pris mon destin et je l'ai modifié. J'suis parti pour un long voyage comme dans l'Odyssée. Des milliers de problèmes dans la tête, des blessures que je traîne, mais les épreuves m'entraînent. J'préfère les laisser croire qu'ils m'atteignent. J'ai enterré mes peurs et j'ai vidé ma peine. Des milliers de problèmes dans la tête, des blessures que je traîne, mais les épreuves m'entraînent. J'préfère les laisser croire qu'ils m'atteignent. J'ai enterré mes peurs. Je suis serein quand je pète un flash dans la savane, je me mets bleu. Je t'ai vu 2 ou 3 fois, t'es pas le sang de la veine, non non. J'entends le cri du guetteur dans la cabane, y'a les bleus, ça mange des balayettes. Casse au smack like, l'eau des galeries Lafayette, sous le porche loin du Macan. Je me voyais déjà finir millionnaire. Je sais pas encore mais je suis visionnaire. Frappant les cartes dans le temps additionnel. Papa m'a dit, mon fils c'est la vie. Maman m'a dit, fais gaffe à tes amis. Ma fille m'a dit, papa te voir j'ai envie. L'ancien m'a dit, n'oublie pas le paradis. Je marche les yeux fermés tellement je connais bien mon ghetto. Je rentre à Pirapa, toujours en tête j'ai la mélo. À travers la serrure ou bien à travers le cello. Des milliers de problèmes dans la tête, des blessures que je traîne, mais les épreuves m'entraînent. Je préfère les laisser croire qu'ils m'atteignent. J'ai enterré mes peurs et j'ai vidé ma peine. Des milliers de problèmes dans la tête, des blessures que je traîne, mais les épreuves m'entraînent. Je préfère les laisser croire qu'ils m'atteignent. J'ai enterré mes peurs et